Le journal Dodong Sinmun a inséré le 31 octobre un article d'un commentateur titré « Révélation de la nature horrible du pouvoir de Bakounine par un scandale politique inouï ». Le commentateur a écrit « À présent, en Corée du Sud, la corruption des autorités sans pareil dans l'histoire bouleverse toute la société ». Le scandale causé par Bakounine et Choi Soon-sil à la stupéfaction de tout le monde est une preuve évidente de la nature du pouvoir de Bakounine le plus difforme, le plus anormal et le plus stupide, inimaginable dans la société contemporaine. Les habitants de tous les milieux châtieront définitivement la bande de Bakounine qui est attachée à la politique antipopulaire, à la confrontation avec les compatriotes et à la servilité envers les États-Unis et qui cause tous les malheurs à la nation, comme ils ont renversé Syngman Rhee par le soulèvement du 19 avril, infligé la fin impitoyable à Park Chung-hee par la lutte antifasciste pour la démocratisation et appelé le nouveau printemps de la démocratie par la résistance démocratique du 18 mai et du mois de juin.